Faut payer nous dans les temps. En paquet de jokes, batting, mauvais temps. Belle gay, goloto, goul agent. Et yo ka joue élégant. Mais yo ka vin sans rien dans les blancs. Nom qui les vend, nous rêve, vaut mieux yo Ivan Kish. En l'étant mille agents, en palais ish, libidish. En mettre moi en ça, en fait la diff. En mettre moi en ça, en fait la. Mais yo ka dis. Yo ka joue les balles, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais, bam, les jambes, la miss. Mais yo ka dis. Yo ka joue les balles, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais, bam, les jambes, la miss. Ça délicat. Si vous voulez check pour flex, si vous voulez pas flex, pita. Bam, en Vespa, ok, Mexico. Mais ou pas, abo, pas crier, moi, mamacita. A pas de mec, ou que check, moi, fais si coq, coq. Fais si coq. La li en basse, papa les trop. Hop, hop, hop, pas katon. Yo ka joue les balles, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les balles, bam, les jambes, la miss. Mais yo ka 10. Yo ka joue les balles, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les balles, bam, les jambes, la miss. Faut payer nous dans les temps. En paquet de jokes, batting, mauvais temps. Belle gay, goloto, goul agent. Et yo ka joue élégant. Mais yo ka vin sans rien dans les plans. Nom qui les vend, nous rêve, vaut mieux yo Ivan Kish. En l'étant mille agents, en palais ish, libidish. En mettre moi en ça, en fait la diff. En mettre moi en ça, en fait la.